bienvenue sur le nouveau numéro d'Horitag, votre top Oricon version radio anime. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à vos 10 meilleurs openings de Sentai et de Metal Hero. Sangoku, tu es là? Sangoku, c'est à toi de jouer, c'est maintenant, allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Numéro 10, il s'agit de Five Man, défilé la première fois au Club Dorothée le 12 juin 1991. Il comptera 48 épisodes, dont 23 doublés en français. Écoutons ensemble la version TV. Numéro 9, il s'agit de Metal Dare, diffusé la première fois toujours au Club Dorothée le 24 juillet 1989. Il comptera 39 épisodes plus un film que peu connaissent. Allez, c'est parti pour le générique TV. Un grand savant t'a donné le jour pour défendre la paix, la joie et l'amour. Héros glorieux, tu te bats sans fin, tu mets ta force au service des humains. Cher et de sang, se bat pourtant. Métal d'air, métal d'air, même si ton cœur est en acier. Métal d'air, métal d'air, pour nous tu sauras triompher. Tous les dangers de la galaxie, les plus grands méchants venus de l'infini, ne peuvent rien contre ta vaillance, car sans toi la Terre resterait sans défense. Métal d'air, métal d'air, tu n'es pas de chair et de sang. Métal d'air, métal d'air, pour les hommes tu te bats pourtant. Métal d'air, métal d'air, même si ton cœur est en acier. Métal d'air, métal d'air, pour nous tu sauras triompher. Savant, t'a donné le jour pour défendre la paix, la joie et l'amour. Héros glorieux, tu te bats sans fin, tu mets ta force au service des humains. Métal d'air, métal d'air, tu n'es pas de chair et de sang. Métal d'air, métal d'air, pour les hommes tu te bats pourtant. Métal d'air, si ton cœur est en acier. Métal d'air, métal d'air, pour nous tu sauras triompher. Qui m'innocie sur moi, Kanaya. よりも広くて深いもの、それ Numéro 8, il s'agit de Turbo Rangers, diffusé la première fois au Club Dorothée le 16 mai 1990, puis sur la chaîne manga en 2001. Turbo Rangers suit la 13e série de genre Sentai créée au Japon. Pas très originale, cette série, elle contient tout de même des croyances japonaises. A noter que c'est l'interprète de Force Rouge, Kenta Saito, qui chante les génériques de la version japonaise. Cette série comporte 51 épisodes, donc 29 doublés et un film. Maintenant, écoutons les versions japonaises et françaises de la série. Thank you. Numéro 7, il s'agit de Captain Schlader, diffusé la première fois le 9 mai 1988 sur M6, puis le 15 mars 1990 au Club Dorothée. Dernière partie de la trilogie Yushu Kenji avec Sor et Sharivan, reprenant à l'identique les ingrédients des deux séries précédentes, le sabre laser, le monde parallèle, les méchants, les vaisseaux transformables, etc., etc. Cette série compte seulement 48 épisodes. Maintenant, écoutons ensemble la version TV française et japonaise de la série. Qui voudrait tant s'emparer de notre belle, belle terre. Capitaine Schneider, justicier de l'espace, tu t'en vas sans peur, toujours prêt à faire face aux méchants qui le bonheur et l'amitié. 立ち向かうのさ苦しくたって君も燃えろ君も飛び立てさあ広い宇宙が呼んでいるぜシャイダー貸してくれシャイダー Numéro 6, il s'agit de Jaspion, diffusé la première fois au Club Dorothée le 31 août 1988, puis sur la chaîne Manga en 2001. Jaspion est le successeur des Yushu Kenji, Ixor, Sharivan et Shader, dont il reprend l'attirail. Le nom japonais du héros, Jaspion, vient de la contradiction des mots justice et champion. Cette série comporte 46 épisodes seulement. Maintenant, partons écouter la version française et la version japonaise du générique. Tu te bats pour la liberté, pour préserver la paix, l'amitié, à la recherche d'un monde de beauté, tu es un aventurier, tu n'as jamais peur de personne, et lorsque l'heure du combat sonne, tu es toujours prêt et plus rien ne t'effraie, ton obsession c'est de gagner, champion, courageux chevalier, champion. Tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté. Champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté. Je te bats pour la liberté, pour préserver la paix, l'amitié, à la recherche d'un monde de beauté. Tu es un aventurier, champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté, champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté, tu n'as jamais peur de personne. Lorsque l'heure du combat sonne, tu es toujours prêt et plus rien ne t'effraie. Ton obsession c'est de gagner, champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur et l'amitié, l'amour et la liberté. Champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher, champion, le bonheur. Come on, boy. 笑おうぜ。そうさ、勇気がすぐ戻る。男だもんな。若さだもんな。心の炎が眩しいもんな。Jaspion. 奴にはカモンボーイ、優しいか苦しみには負けないか、男だもんな強さだもんな、心の握手を信じるもんな、 Numéro 5, il s'agit de Flashman, diffusé la première fois au Club Dorothée le 5 septembre 1988. Malheureusement, cette série n'a pas été diffusée en entier au Club Dorothée. Cette série compte 50 épisodes, dont 21 diffusés en France. Partons écouter le générique français et japonais de cette série. Ils sont venus d'ailleurs pour protéger la terre ses envahisseurs et faire régner la paix sur la planète. Les xénocaptors, ces sacrés chasseurs de primes, à raison ou à tort, sans foi ni loi, aveugles ils assassinent. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, combattant au merveilleux pouvoir. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, justicier descendant de l'espace. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, vaillant triomphant de la lumière. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, merveilleux prince de l'univers. Mais l'histoire nous révèle la tragédie de cinq frères séparés par le sort. Kéran, maudit, n'en fais pas un mystère. L'empereur Lodus, ce fils des dieux du ciel, petit cousin de Zeus, attaque sans cesse les Flashman sur la terre. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, combattant au merveilleux pouvoir. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, justicier descendant de l'espace. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, vaillant triomphant de la lumière. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, merveilleux prince de l'univers. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, combattant au merveilleux pouvoir. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, justicier descendant de l'espace. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, vaillant triomphant de la lumière. Flashman, Flashman, Flashman, Flashman, merveilleux prince de l'univers. La justice et la liberté sont vos seules vérités pour un monde enchanté. 「孤独のうち」 Numéro 4, il s'agit de Live Man, diffusé la première fois au Club Dorothée le 31 mai 1989, puis sur la chaîne Manga le 7 juin 2000. Troisième partie de la fausse trilogie Bioman en France, au Japon, cette série est totalement indépendante. Live Man est l'une des séries les plus intéressantes, notamment grâce au sentiment d'amitié. Également la première série de Sentai à avoir une force bleue féminine, et en France, une force jaune masculine. Cette superbe série comporte 49 épisodes. Écoutons maintenant les génériques français et japonais de cette série. Jamais Numéro 3, il s'agit de XOR, diffusé la première fois sur Antenne 2 le 26 octobre 1983, puis sur la chaîne Manga en 2014. XOR est l'une des plus célèbres séries live japonaises en France. Elle comporte 44 épisodes. Maintenant, partons ensemble écouter le générique français et japonais de cette série. Comme l'éclair et la lumière, il bondit. shérif, shérif de l'espace. Il sort dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne crains rien. Numéro 2, il s'agit de Jiraya, diffusé la première fois au Club Dorothée le 17 mai 1989. Cette série, considérée comme un Metal Hero, n'en est pourtant pas un. C'est une des seules séries qui a été diffusée au Club Dorothée du début à la fin. Elle comporte 50 épisodes. Maintenant, je vous invite à écouter les génériques français et japonais de cette série. Jiraya! なでっかい心が欲しい。誰もみんな幸せに輝いてる未来が欲しい。 Il s'agit de Bioman, diffusé pour la première fois sur Canal Plus le 1er juillet 1985, puis sur le Club Dorothée en 87, et pour finir, un court passage sur la chaîne Manga en 2001. Cette série comporte 51 épisodes, elle fut la première série de Sentai à avoir été diffusée en France. Maintenant, écoutons le générique japonais et français de cette série. Tu veux protéger la Terre et sauver. L'univers est ton empire en danger. Contre le mal, vole au secours de la liberté. Toi, soldat, n'aie plus peur maintenant avec toi. Tu auras une force inconnue jusque-là. Abandonne tout, crois en toi, tu verras, tu vaincras. Nous arrivons à la fin du second numéro d'Oritag. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur radio-anime.net, mais également sur les Facebook et Twitter. Je remercie Planète Jeunesse ainsi que nos partenaires. Je vous dis donc au mois prochain pour un spécial La 5 et comme on dit au Japon, Matane.